d'après sa volonté. Toutes choses doivent être demandées d'après sa volonté. Comment je peux faire la volonté de Dieu quand je n'ai pas mes Bibles? Comment puis-je faire pour savoir sa volonté alors que je suis loin de ma Bible, loin de la méditation? Je ne prends pas des temps de qualité pour méditer la Bible. D'où viendra la révélation? Hein, frères et sœurs? L'Esprit nous aide. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. Pour que tu saches ce que tu dois demander, ça doit être révélé. Que tu dois révéler, ce n'est pas la méditation. D'accord? Alors, celui qui va écrire une brochure, il dit, si tu demandes le mariage, généralement, il nous conduit dans les psaumes. D'accord, frère? Voici les psaumes pour le mariage. Quand tu veux prier pour le mariage, récite tes psaumes. Quand tu veux prier pour dormir, récite tel psaume. Quand tu veux prier pour ta guérison, prends tel psaume. Il pose la question. Qui a inspiré ça? Ça veut dire que la sœur Marie, c'est celui-là. Quand elle va vouloir se marier, elle prend cette psaume, d'accord? C'est la parole qui est destinée pour elle. Donc ça vient révéler, n'est-ce pas? Quand la sœur Marie veut se marier, elle prend toutes ces brochures-là, elle prend quel psaume? Hein? Donc, il faut la question de la sœur. Quel psaume? Le même psaume. Donc la révélation de Marie, ici, là, ponctuelle, celle de Manuela. Elle s'est mariée en 2014. Celle qui va se marier en 2018. Donc 4 ans après, ça reste la même révélation de chaque personne. Donc j'ai pris tous ces exemples ici là pour vous dire que les brochures là, il faut les déchirer. D'accord? Déchirer les brochures là. Toutes les brochures qui vous suggèrent de lire telle prière, de faire telle récitation, tel psaume, pour avoir telle chose là, faites déchirer tout ça, ça ne vient pas du Saint-Esprit. D'accord, frère? Il va t'inspirer à l'heure ponctuelle. Et l'inspiration, là, la révélation, ne vient que par la méditation. Tu ne médites pas. Il n'y a pas de révélation possible pour toi. Sinon, tu l'as péché. Tu vas éviter la révélation qu'on a donnée. Tu vas nous effacer. Et la révélation te donne de marcher avec foi. Détermination. Tu es déterminé. Parce que qui t'a révélé? Qui t'a révélé? C'est lui qui t'a révélé. S'il te révèle. Je dis, hein. Prenons un exemple encore. Dans la Bible, on parlait de Noé, pas vrai? La Bible dit que Noé avait été averti qu'il fallait construire l'arche pour pouvoir échapper à ce qui devait se passer pour guérir, n'est-ce pas? Quand il a dit à ses contemporains de Noé, à l'époque de Noé, vous ferez mieux de vous répandre parce que l'eau va tomber sur la terre et va engloutir tout ce qui vit et tout ce qui a vu. Ses contemporains l'ont cru. Combien de personnes l'ont cru? Combien? Hein? Hein? Personne ne l'a cru. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Ses contemporains n'ont pas cru. On va voir maintenant ce que c'est que la méditation, la révélation. Tu peux dire pourquoi ses contemporains n'ont pas cru? Bon. Souvenez-vous que la Bible déclare qu'à cette époque-là, l'eau n'était jamais partie du ciel pour la terre. Pas vrai? Mais plutôt l'Éternel faisait jaillir du sol de la vapeur. Qui faisait quoi? Qui rafraîchissait la surface de la terre. Donc l'eau partait de la terre pour monter. Un homme sort un jour, dit que non, préparez-vous. L'eau va quitter là-bas, vous tombez maintenant. Hein? Et il dit, mais toi là, je crois que le soleil qui a maintenant beaucoup là t'a grillé le cerveau. As-tu déjà vu quelque part l'eau sortir de haut pour le bas? Puisque il savait que ça partait toujours du bas pour le haut. Alors un homme vient un jour, leur dit le contraire. Eux, ils avaient la révélation. Qui avait la révélation? C'est pourquoi, quand ils ont dit ces choses-là, sans empêcher nous de construire l'arche, pourquoi étaient-ils si obstinés à construire l'arche? Pourquoi étaient-ils si déterminés à construire l'arche? Pourquoi, frère? Il avait la révélation. Vous voyez ça là? Il avait la révélation. Quand tu as la révélation qui provient d'une méditation, personne ne peut te bouger. Hein? Moïse qui est allé dans le désert là-bas, a vu le buisson qui brûlait, et il s'est détourné pour le bas. Moïse, là où tu te tiens là, c'est sacré avec tes souliers. Qui es-tu? Après cet entretien-là, il a pris son bâton, il est monté sur l'âne, il est allé où? Il est allé où? Il est allé délivrer le peuple d'Égypte avec quoi? Un bâton à la main, pas vrai? Rappelez-vous que Moïse était le chef de l'armée de Pharaon. D'accord? Il commandait des groupes d'hommes armés avec des armes conventionnelles. Moïse avait à sa disposition des chars de guerre. Il pouvait les utiliser pour faire n'importe quoi. Mais voici Moïse que Dieu a rencontré. Moïse a rencontré Dieu. Et son attitude a changé. Il dit, je ne sais pas parler. D'accord? Moïse qui était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Voilà Moïse qui ne savait plus parler. Moïse avait rencontré Dieu. Son langage pouvait changer. Il a dit, je m'en vais en Égypte parce que quelque chose doit se passer. On voit ça faire, c'est la réflexion. Si la parole qui t'est révélée est pour toi, agis en fonction de cette parole-là. L'Esprit du Seigneur n'est pas statique. D'accord? L'Esprit de Dieu n'est pas statique. C'est lui qui doit nous conduire. On doit se laisser conduire par lui. Les prières qui ont été faites depuis, je ne sais pas quand on écrit ces brochures-là, que depuis 1900, ouais, 2018, on aussi encore les mêmes prières. Ça, c'est le commerce qui est fait tout simplement. Ça, c'est juste le commerce. D'accord, ma soeur? Bon, il faut déchirer cette brochure-là. Rentrer dans la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer. D'accord? Parce que nous, moi, je ne sais pas comment les demander, je ne sais pas comment demander, mais il nous aide. Il nous pousse à demander d'après sa volonté. Vous comprenez ça là? C'est pas la méditation que toutes ces choses m'a dit. C'est pourquoi notre vie doit être une vie de prière et de méditation constante de la parole de Dieu. Une vie éloignée de la parole de Dieu, c'est l'échec. Une vie éloignée de la parole de Dieu, de la méditation, c'est le trouble. Votre cœur doit être en paix. Et cette paix-là ne vient que par la méditation des Écritures. Pas des Écritures. Ça va frère? Ça va frère? Ça va mes soeurs? Donc rentrons dans la parole de Dieu. Rentrons méditer la parole de Dieu comme il faut. Prenons du temps. Accordons du temps à la parole du Seigneur. Il faut lire la parole. Il faut la relire. Lire lentement. Lire plusieurs fois. Lire doucement la parole du Seigneur. Il faut la lire. Relis-la. Lire lentement. Lis doucement, en priant. D'accord, frère et soeur? En priant, dans une attitude de prière. Seigneur, qu'est-ce que tu peux m'enseigner ce soir? Seigneur, pendant que je suis à tes pieds, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Que dois-je savoir? Face à cette situation, comment me comporter? Face à cette situation, comment faire? Face à cette maladie, comment faire? À cet échec, comment faire? En méditant, c'est là que vient la révélation pour ton problème. Satan fait ces choses-là et il s'appelle à nous éloigner de Dieu, de la parole. Nous éloigner de la parole, de la Bible. Et si on s'éloigne de la Bible, frère, on tombe dans le domaine de l'échec et de frustration. La méditation de la parole de Dieu apporte la paix, apporte la joie sur notre cœur. Si tu ne médites pas, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de stabilité. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Ton cœur est ballotté, tu manques de sérénité. Et un cœur qui manque de sérénité ne peut pas prier. Puisque c'est le cœur, le christianisme, ça a tout à voir avec le cœur. Ce Dieu qui est infini, immensément grand là. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais il désire habiter dans ton cœur. Hein? C'est là qu'il veut habiter. Infini, il remplit toute la terre. Mais c'est dans ce petit organe là qu'il désire y habiter. Satan ne lâchera pas. Il ne veut pas qu'il habite là-dedans. C'est pourquoi il crée des inquiétudes. À cet effet, la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? N'a pas. Mais une bonne parole. Hein? Une bonne parole? Vous trouvez dans les bonnes paroles. Frère, dans la méditation, dans la Bible, par la lecture. D'accord, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous tombons debout. On fait cette prière ensemble avant que nous passions. Nous tombons debout, frère. Prions ensemble, disons, Seigneur, fais pénétrer tes paroles dans mon cœur. Priez comme ça. Fais pénétrer tes paroles dans mon cœur. Et puis, au nom de Jésus. En vous asseyant, vous vous saluez les unes les autres. Tous à côté de vous, vous dites bonjour, bonjour et bienvenue. Ça va? Assieds-toi là-bas comme ça, tu dis bonjour là-bas. Je crois que ce serait mieux que tu t'assoies là-bas, tu laisses la place à cette femme-ci. Voilà, recule-toi ma soeur. Tu viens serrer la femme. Tu vois, il y a l'enfant, tu le sais, pour que la mère ne touche pas l'enfant. C'est bon. Frère Haché, ça va? Il est descendu de la montagne. Et vous savez, quand Moïse va sur la montagne, il descend avec quoi? Commandement. Il y a quelque chose pour nous, frère Haché? Je suis content de retrouver tout le monde. Ok, si tu es content, alors salut là. En disant, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Frère Haché, tu vas les saluer. Oh. En disant, je suis content de te voir aujourd'hui. Et ça, non? Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pendant que le frère Achille de vous saluer, souvenez-vous de ce qui a été dit au début de l'année. Et je remercie le Seigneur et je vous remercie pour la sollicitude que vous avez eue envers notre frère, le frère La Gloire qui a perdu son père. Oui, le frère Achille, comme ça. Comme le frère La Gloire a perdu son père, vous avez mis les mains dans la pâte pour le faire. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de ce qui a été dit dès le début de l'année. Chacun, les gens vont perdre les proches, n'est-ce pas? C'est pas terminé. Et 2019, ça sera encore grave. Donc, préparez-vous. Tout ceci a un seul but. C'est vous permettre de briser les murs de séparation. Souvenez-vous, tout ceci a un but. C'est de briser les murs de séparation. Que vous ayez. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les visite. Il y a des gens qui ne veulent pas venir chez les autres. Des autres qui ont les choses qui cachées. Mais il y a des événements qui vont vous réunir. Que Dieu vous bénisse. Ça va, frère Chine? Que Dieu vous bénisse. Il peut avoir une Bible, c'est pas qui. Il peut avoir une Bible. Et pendant ces jeûnes-ci, priez particulièrement chaque pour écouter très attentivement. Priez pour vos proches. Vous souvenez que vous avez. Quand il parle de vos proches, il ne parle pas de ceux qui sont autour de vous. Je parle de ceux qui sont éloignés de vous, que vous n'avez pas vu longtemps. Que ce soit votre ami, votre entourage, priez parce qu'ils ont besoin de vos prières. Priez que la miséricorde de Dieu les touche. Et vous allez voir ce que cette prière va produire. Des gens, des entourages sont dans des difficultés. Je vais revenir plus tard, un de ces jours, je vais vous dire le pourquoi ils sont dans des difficultés ici. Je le dis tout simplement comme ça. Priez, durant ce moment, c'est prier pour vos proches. Pas ceux qui pas ceux que vous voyez. Si vous entendez cette voix, priez pour ceux qui sont éloignés de vous, que vous n'avez pas vu depuis, ils ont besoin de votre prière. Demandez seulement au Seigneur que le Seigneur intervienne dans la vie de tel, que ta miséricorde l'accompagne. Ça va, Daniel? Ça va bien? Bien, bien, bien, bien. Ça va, bébé précis. Il dit bien, souvenez-vous ceci. Priez pour vos proches. Priez pour vos proches. Vos proches, vos relations qui sont éloignées de vous. Ceux que vous n'avez pas vu longtemps, ils ont besoin de prière. Besoin de prière. En tout cas, quand vous allez commencer à recevoir des nouvelles, vous saurez de quoi il est question. Et souvenez-vous que le jeûne ne soit pas pour vous comme un fardeau, d'accord? Si vous sentez que c'est lourd et que vous sentez que c'est un fardeau, abandonné. Il faut que votre cœur l'accepte. Alors, avant que de commencer, il faut qu'on aille dans la parole voir quelque chose, si le Seigneur le permet. J'attends vos questions. Vous avez des questions posées. Dès que vous êtes calme dans la prière, l'image de quelqu'un qui vous est cher, qui vous est proche, vous vient à l'esprit, priez pour cette personne-là. Vous voyez la personne dans votre cœur, alors que vous allez visualiser la personne, priez pour elle, Seigneur, telle personne, je prie que ta miséricorde vienne sur elle. Veille sur sa vie. C'est ici, il y avait dit pour le Cameroun que suivait la ville de Foumbane, c'est ça? Bon, des questions, c'est pas des questions, on part. Donc, continuez à vous soutenir les uns les autres parce que des gens vont perdre des êtres proches. Des êtres proches. Des proches. Et puis, et souvenez-vous tous que ceci a pour but de renverser les murs, les barrières de séparation et puis amener sur la scène la communion d'amour. Alors s'il n'y a pas de questions, on prend quelques passages. Il y a des questions? Oui, s'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Vous avez lu la Bible, il n'y a pas de questions, vous avez lu, ok. Souvenez-vous donc, comme je commence là, personne ne pose plus de questions. Ouvrons dans les Saintes Écritures. Le livre des Jean. Donc, souvenez-vous, pas de questions. Jean chapitre 9. Si vous avez noté aussi Jean, 1 Jean chapitre 5, les 7 premiers versets. 1 Jean chapitre 5, les 7 premiers versets. Et au fur et à mesure, je vais donner le passage comme ça vient. Notez Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Et 1 Samuel chapitre 1 et 2. Venez dire à ceux qui ont des motos de ne plus garer ici. Quand vous arrivez avec la moto, garez sous l'arbre là-bas où il y a les gardiens et vous leur confiez votre moto. Vous dites, voici la moto, suivez s'il vous plaît. Il y a les gardiens dans le parking là-bas, ne gardez plus ici. D'accord? Dites à ceux qui ont des motos de ne plus garer ici. Donc Genèse chapitre 32, j'ai d'abord dit Jean chapitre 9. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 7. Et Genèse chapitre 32, c'est ça non? Commençons donc dans ce livre des 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Verset 1 du chapitre 9 de Jean. On va travailler maintenant. Donc préparez-vous. Vérifiez aussi si votre téléphone est ouvert ou fermé. Ou bien vous mettez en mode vol. Si vous êtes venu enregistrer. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. On y va. Tout le monde y est, n'est-ce pas? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Soulignez aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Comme vous avez souligné, mettez petit 1 toujours à côté. Petit 1, dans votre Bible, on va travailler. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Soulignez, qui a péché? Vous mettez petit 2. Qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Donc cette personne-ci est née aveugle, n'est-ce pas? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, en lui soulignant les œuvres de Dieu. Timothée petit 3. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Puis Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Fin de citation. Nous avons vu ici la prière par l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il y a des paramètres et des choses qui peuvent arriver à chaque, à quelqu'un dans la vie, que ça ne dépend de personne. Enfin, de toute façon, dans vos entourages, vous avez vu des gens qui sont nés comme ça, nés paralytiques, ainsi de suite. D'autres sont nés avec les têtes tordues et autres et autres. Et les questions que ces gens se sont posées à Jésus-Christ continuent à être posées aujourd'hui. Ça veut dire en clair, la Bible veut nous indiquer que s'il y a n'importe quelle difficulté, les disciples ne sont pas allés se renseigner chez les pharisiens. Ils ne sont pas allés poser la question aux parents de ces enfants-là, parce qu'eux-mêmes étaient dépassés. Ils sont allés poser la question à Jésus, qui est la personne indiquée à répondre à toute question d'ordre spirituel et physique. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Quelque chose vous dépasse sur la terre, votre entendement. Posez-lui la question. C'est la première des choses. Aveugle de naissance. Vous avez souligné aveugle de naissance. Aveugle de naissance, c'est la condition pour donner l'exemple de ce qui s'est passé. Ça pouvait être un paralytique, né paralytique. Ça pouvait être quelqu'un qui est né sans main. Il y a un pasteur qui est né sans main, sans pied. Vous devez vous poser la question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? C'est la mauvaise question que vous posez. Ils n'ont pas posé la question à Jésus que celui-ci a fait quoi pour mériter. Ils ont seulement posé la question ici, c'est, on veut comprendre s'il y a des situations sur pourquoi c'est arrivé. Et on donne deux sources probables que les choses nous arrivent. Soit toi-même tu cherches, soit tes parents donnent la porte. Soit toi-même tu cherches, soit tes parents ouvrent la porte. Est-ce que c'est parce que lui, il a péché? Si c'est lui qui a péché, il y a un problème. Parce qu'il est né comme ça. On ne pêche pas avant d'être conscient. N'est-ce pas, frère? Celui-ci, le petit garçon qui est là, regardez comment il est de mettre le feu dans la bouche. Vous ne mettrez pas cela parce que vous savez que c'est dangereux. Voilà pourquoi quand ils sont là, quand ils commencent à marcher, ils commencent à éloigner les objets qui puissent le faire du mal. Parce qu'il peut prendre un objet, il se fait lui-même du mal avec. Vous ne ferez pas cela. Il peut prendre l'âme de l'oiseau et couper sur sa main, mais toi tu ne peux pas le faire parce que tu sais que ici ça fait mal. Il faut qu'il voie le feu, que le feu le brûle un peu pour qu'il voit la cause. Il se souvient que la dernière fois il touchait le feu, ça m'a brûlé. Or, toi quand tu vois, tu connais ce que c'est que le feu, tu n'as même pas besoin qu'on te dise. Si tu entends feu, tu sautes par la fenêtre rapidement. Mais lui il ne comprend pas. Parce qu'il est enfant et son livre n'est pas encore ouvert pour être actif pour le péché. Maintenant, il pose la question, est-ce que c'est lui à cause du fait qu'il a péché ou bien c'est à cause du fait que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que le fait que ses parents ont péché pouvait avoir l'impact sur lui? Oui, dit la Bible. Parce que la Bible déclare qu'il va faire tomber l'iniquité sur les parents, des parents sur les enfants. Pas vrai? Donc vous pouvez hériter. Vous dites non. Il a fait ça sur les Amalécites. Il a fait ça même en peuple d'Israël. Lorsque Israël traverse le désert, il veut passer, Amalek bloque le chemin. Longtemps après, quand la génération est partie, et la génération qui sortait de l'Égypte, et ceux qui étaient à Amalek, ils se souviennent maintenant. Dieu dit qu'il se souvient comme s'il avait oublié. Dans le livre de 1 Samuel, il dit à Samuel, va dire à Saül, va maintenant, frappe, interdit Amalek. Il dit, il me souvient quand mon peuple Israël passait, lui a bloqué le chemin. Alors que le peuple qui est sur place n'a rien à voir avec ce qui s'était passé. Ceux qui sont en Israël n'ont rien à voir avec ce qui était passé là-dedans. Donc Dieu a gardé rancune à ce peuple. Me suivez, frère? Dans le peuple juif même, si vous lisez le livre de Josué, chapitre 9, Josué avait signé le pacte avec les Gabonais qui ne devaient pas les détruire. Et quand ils vont mourir, justement, Josué va passer, toute la génération va passer, les Gabonais étaient toujours là. Les enfants des enfants des enfants de ceux qui avaient été faire le pacte avec l'Israël. Il n'avait pas dit que moi et ma maison, Saül. Non, non, Josué. Il a dit que les enfants d'Israël. Donc ça veut dire que quand il dit les enfants d'Israël, ça engage tout le peuple. Que tu sois conscient ou pas. Ah non, non, non, non. Moi, je suis de ma tradition. Si vous voulez, il tue le bœuf là-bas sur la tradition Bamileki, ça ne me touche pas. Tu pars. Vous finirez d'être en crise vraie, vraie. Si vous n'êtes pas en crise vraie, vraie, vous êtes en crise vraie, faux. Ça va vous toucher. D'accord, frère? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les Gabonais vont grandir en milieu, jusqu'à ce que Saul va grandir avec son autorité, il va tuer les Gabonais. Dieu ne réagit pas sur place. Saul, il est mort sans savoir qu'en réalité, Dieu a réagi sur la terre. David est roi. Subitement, Dieu frappe. Pas vrai, frère? Il cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Il dit, c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Qu'est-ce que David a à voir là-dedans? Il est roi au même titre que Saül et il a hérité du royaume d'Israël. Et il y avait un traité entre Israël et ce peuple-là. Donc Dieu frappe Israël à cause de ce peuple. L'iniquité des parents sur les enfants. Vous dites, non, non, non, non, non. Ézéchiel chapitre 18 dit qu'il ne fera pas tomber l'iniquité sur les parents. C'est circonstanciel par rapport à une autre cause bien déterminée. Alors, les disciples demandent aussi au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est parce que cet enfant s'est péché? Jésus dit, ce n'est ni parce que lui il a péché, ni parce que ses parents ont péché. Il dit quoi? Mais c'est à cause que c'est à cause de quoi? À cause du fait qu'il n'est pas allé à l'église, il n'a pas payé ses dîmes. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc si vous payez vos dîmes, vous ne laissez pas aveugle et naissance. C'est pas ça, les sœurs. Donc, Jésus dit, au verset 3, il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais à cause du fait qu'il ne va jamais à l'église. Il n'a jamais payé les dîmes. Alors les malédictions sont venues sur lui, fermer les yeux. C'est pas ça, hein? Frère Moïse. C'est pas ce qu'il écrit sur quoi? C'est ça. Applaudissez pour le frère Moïse. Applaudissez pour le frère Moïse. Il a regardé bien le verset. Il a dit que oui, c'est ça. Donc on a dit quoi? Dans ta version, on dit quoi? Ouais, il connaît mes personnes ici. Il place la Bible comme ça, pendant que son est bavardé. Lui, il est dans les marchandises. Il a de poursuivre une histoire d'argent. C'est pensé, c'est parce que tu rattrapes ses pensées pour le ramener en lui. Et il se réveille, vous avez dit, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça. Vous voyez, les gens sont assis là comme ça, là. Les pensées sont débaladées, c'est baladé. D'autres, ils sont de raconter comme ça subitement. L'autre en train de voir le film d'Israël. Il se souvient du film d'Israël qu'il avait vu, alors qu'ils sont de parler de la Bible. Restez concentré, que votre cœur, je veux parler à votre cœur. À votre cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Et vous allez voir ce qu'il en est avec ces choses-ci. Lorsque Jésus rencontre cet homme-ci, il n'a plus l'âge du bébé. N'est-ce pas? Lorsque Jésus rencontre cet homme-ci, il n'a plus l'âge du bébé. Ça veut dire, regardez ce qu'il dit par le verset 3 encore. Il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, il n'est pas la source du problème. Les parents ne sont pas la source du problème. Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, en ces garçons-ci. Donc, c'est un témoin vivant que Dieu a voulu qu'il naisse comme ça, pour qu'il le guérisse, afin que celui-ci sache que Dieu est Dieu. Et pour que le nom de Dieu soit publié, qu'on voit les grandeurs de Dieu. Vous dites, ok, Dieu guérit, que le Seigneur guérit. Pour qu'il guérisse, il faut que quelqu'un soit malade. N'est-ce pas? Vous dites, non, notre Dieu est puissant, il guérit. Il peut ressusciter les morts. Il faut qu'il y ait un cancer qui va mourir. Il faut que quelqu'un meure pour que le Dieu qui ressuscite vienne ressusciter. Donc, s'il disait que qui va mourir, quelqu'un va dire que non, quelqu'un peut faire ça, on ferme les yeux, on ne revient pas. Pas vrai? Ok, comme on sait effectivement qu'on peut mourir, on ne revient pas parce que chacun a peur de l'eau de là. Que ça, c'est fait mesure, comment il peut faire comme ça, pas m'enterrer, vrai, vrai, là, je meurs. Comme cette condition-là est respectée sur la terre, les gens aiment leur vie plus que cette façon de la vivre. Dieu s'est choisi la liberté de choisir qui à qui va donner telle chose, que celui-ci va mourir, celui-ci va vivre, celui-ci. Remarquez très attentivement en Israël, si vous lisez le livre de 2 Samuel, de quoi, de 2 rois, la Bible déclare que le prophète Élisée était malade, au point où il était mort, le prophète Élisée. On l'avait mis dans un sépulcre, il avait pourri jusqu'à ce que ce sont ses os qui étaient là-bas. Un jour, on allait enterrer un homme d'Israël qui était mort. Pas vrai? On le portait comme ça. Ils approchent vers le tombeau. Bah! Les Philistins débarquent que. Ah! Israël! Les gars, on fait quoi? Frère, ah! On parlait de la Bible. Donc, celui-ci était mort. On partait comme ça l'enterrer. La guerre a éclaté. On a dit que. Où le tombeau? On a balancé là-bas comme ça. Bah! Sur l'os. Son corps, il a touché l'os d'Élisée que lui, il était mort. La puissance du prophète l'a ressuscité. Il s'est levé comme ça. Bam. Il a dit quoi? Que sauf qu'il pouvait encore. Lui-même, il a encore fui. Alors qu'il était derrière mort. Qu'est-ce qui reste ici maintenant? On va me tuer. Vrai, vrai, vrai. Élisée, lui, il était mort. Il était couché là-bas, mais la puissance de Dieu ne peut pas mourir en lui. Vous voyez? Maintenant, Dieu, si quelqu'un voit que celui-ci a touché le corps d'Élisée, il est ressuscité. Tous les morts maintenant, je vais venir les jeter là-bas. Vous allez les jeter, rester là-bas tranquillement. Ils ne ressusciteront pas. Parce que ceci a un but. Dieu ne fait pas de miracles pour faire du spectacle. Il fait des miracles pour se révéler. Il fait des miracles pour faire venir les cœurs en lui. Pour se présenter en montrant qu'il est là. D'accord, frères et sœurs? Alors, je recommence encore. Cet homme-ci, lorsque Jésus a de parler de cette chose-ci, de Jean chapitre 9, cet homme-ci n'est plus enfant. Mais je vais sur le point. Les parents ont dû grandir avec des choses sur le cœur. Les moqueries de la famille. L'accusation des sorcelleries. Que c'est parce que tu es sorcier. On t'avait toujours dit que le père, on le voit dans le songe. C'est toujours lui qu'on voit. Vous ne voyez pas comment il est vieux. Il est vieux, il ne veut pas mourir. Ça. C'est ce qui suce le sang des gens. Dieu a fait tomber sa malchance sur lui. On va te dire toutes les choses. Dans la nuit, tu pries, tu pries. Tu sais même Dieu, mais rien ne marche. Le vrai problème, c'est que Dieu ne te dit pas ce qu'il est en train de faire. Donc, ta souffrance est sous son contrôle. Les insultes qu'on va te donner, on est sous son contrôle. Quand on te dit que tu es un sorcier, Dieu t'a jugé. C'est tout le mécanisme qui dit que, vrai, j'ai jugé le type. On ne connaît pas le plan de Dieu. Quand vous ne connaissez pas quelque chose concernant le sujet de Dieu, concernant quelqu'un, fermez votre soupape. C'est pour ça qu'il ne faut pas participer au péché de quelqu'un. Imaginez ce qu'on pouvait dire de lui. Imaginez le cas de Zacharie et Elisabeth dans Luc chapitre 1. Des gens qui servaient de Dieu avec intégrité et qui étaient assidus. La Bible dit qu'ils respectaient tous les commandements de Dieu. Irréprochable, dit la Bible, de ces deux personnes là-bas. Mais Elisabeth était stérile. Ils servent Dieu. Les gens disent que c'est sûr qu'ils ont quelque chose qu'ils font. Ils font seulement les façades comme ça pour qu'on croit qu'ils servent Dieu. Sinon, comment ils peuvent servir Dieu? Si vous connaissez bien le caractère de Dieu, vous savez effectivement qu'il fait ça à ses fils. Vrai, vrai. C'est à ses fils même qu'il fait ça. Si vous vous tournez vers le monde, vous allez voir que tout ce que vous cherchez en priant comme ça là, ils ont ça facilement. Bon, sinon pas ça facilement, il faut qu'ils jugent quand même de la terre. Pour que plus tard vous aussi résister de la terre. C'est pas ça. Hein? Donc, quand vous dites, ah, d'autres ont les belles maisons, nous n'avons pas les belles maisons. Si tu as derrière les belles maisons ici, quand tu vas voir ce qui est en haut là pour toi, tu vas dire quoi? La Bible déclare qu'il faut que vous soyez tenté pour un peu de temps. Éprouvé. D'autres personnes éprouvent comme ça, là, juste parce qu'ils meurent de la terre sans jamais avoir. Même la sculpture lui refuse. Vous savez que d'autres personnes étaient enterrées dans le ventre des lions, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a mangé comme ça, que pêche de manger encore là, on voit. Mais ils sont ce qu'on appelle en anglais mansion, des maisons au ciel. Les gens-ci à qui Jésus est en train de parler connaissent cette personne-ci qui est née aveugle. Il n'a pas un an, il n'a pas cinq mois. Il a combien d'années, frère? C'est terrible ça. Cet homme-ci a quel âge? 40 ans. 40 ans. Ça veut dire que 10 ans, 15 ans, 20 ans, il était comme ça. Il n'a jamais connu la couleur. Vous dites que le soleil est bleu aujourd'hui, le ciel est bleu. Le bleu, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Il n'a jamais su ce que ça veut dire. Mais regardez bien l'opprobre et des mumies qui pourraient être tout autour de cette personnalité, de sa famille. D'autres personnes qui naissent et que l'enfant est en train de dandiner comme vous appelez les mongoliens ou ce mongolien. D'autres naissent comme ça, on dit il a vendu une partie de son corps. Ou bien il est allé quelque part envoyer le tourner avant qu'il se renvoie sur ses propres enfants. On a fait back to sender. Vous pouvez dire et que peut-être cette personne est effectivement sorcière. Mais si vous ne connaissez pas, ne prononcez pas le mot pour pécher. Quelqu'un peut être dans un processus de travail pour révéler la gloire de Dieu, tu en es de péché. Comme le cas de Job. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'aucun de ses amis qui sont venus rendre visite n'a en fait dit clairement quelque chose qui est contre Dieu. Ils défendaient même plutôt Dieu devant Job. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas pu faire, c'est qu'ils ne savaient pas que dans cet état, c'est Dieu faisant. Ils se croisent le bras et disent que mais toi, tu as vu quelqu'un qui a servi Dieu dans l'intégrité souffrir où? En fait, ils n'avaient pas vu. Ils venaient commencer de voir. Voilà ça qui commençait comme ça. Parce qu'ils écrivaient la Bible avec leur vie. Maintenant, comme nous avons la Bible, maintenant, si quelqu'un vit, il peut savoir maintenant que peut-être il peut être en train de traverser un processus avec Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas la Bible. alors ils pouvaient se poser des questions comme nous, nous allons poser aujourd'hui. Mais regardez bien, ils défendent Dieu dans leurs arguments. Mais à la fin, en fin de compte, Dieu dit, vous avez mal parlé de moi. Allez que votre mon serviteur prie pour vous. Pas vrai, frère? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la volonté de Dieu. Si quelqu'un est dans la volonté de Dieu, tout ce que vous parlez contre cette volonté, vous parlez contre Dieu. Regardez Dathan, Abiram et Corée. Eux, ils avaient raison de dire que le peuple de Dieu est saint. Que toute l'assemblée est saint. Mais Moïse était dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'il avait été appelé à cette charge-là. Quand il s'était, c'est parce que Dieu a dit qu'il s'était. Quand il parle, c'est parce que Dieu a dit qu'il parle. Corée a dit que merde, le type se prend même pour qui? Il reste tranquille comme ça, personne. On veut qu'il parle, il ne parle pas. Quand on veut qu'il s'éteigne, il ne s'éteint pas. Il dit que il était mal barré. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas raison. Il avait effectivement raison. Mais il n'était pas dans la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, que n'importe quoi soit en train de lui arriver, dites seulement, Seigneur, soutiens-le. Et que ta volonté se passe. Vous voyez quelqu'un comme Job, comme ça, qui en train de souffrir parce qu'il en train de passer par un processus pour que Satan soit livré en spectacle. Vous dites, Job, on a tué son tombeau. Il dit, ouais, je t'aime jusqu'à prendre mes brebis qui est ici. C'est que tu vas voir ce que Satan va te faire. Tu finis de donner 100 brebis comme ça. On dit, ok, donc tu voulais le soutenir. Ça vient sur ton tombeau. Tu dis que Seigneur, je rejette la malchance de Job. Les malchances de Job, là, Job, prends tout ce qui est des Job. Job. Son nom même dit ce qui est. Donc il est né, on a donné le nom Job, c'est-à-dire persécuté. Donc quand il est né, on lui a dit persécuté. Quand ses parents donnaient le nom persécuté, on ne savait pas que c'était un prophète de Dieu qui devait manifester la gloire de Dieu avec sa vie. Vous comprenez cela? Donc son nom Job veut dire persécuté, donc quelqu'un qui est né pour être persécuté. Celui-ci donc maintenant, il est né aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit non, rien. Ni lui, ni ses parents. Donc il y a des cas sur la terre que Dieu lui-même a destiné pour que ça soit ainsi. Maintenant, nous nous trouvons maintenant dans une situation bien déterminée. La question maintenant c'est comment savoir? C'est donc là le début de l'enseignement. Comment donc savoir que ces cas-ci qui perdurent? Parce que celui-ci a fait plus de 40 ans. Un an, Dieu ne voyait-il pas? Toutes les ignominies qu'on pouvait dire, les calomnies qu'on pouvait faire, Dieu voyait. Maintenant, quand ça perdure, comment savoir que ceci est de Dieu, oui ou non? C'est là où la question de Jésus et des disciples ont tout leur sens. Qu'est-ce que les disciples. Quand ils ont vu, ils ont fait. Ils ont posé la question à qui? Ils ont posé la question à Jésus. Donc, première chose, comme vous avez mis petit 1, quand tout problème qui persiste dans ta vie continue à persister malgré que tu pries, première chose, il faut aller vers Dieu. C'est lui qui est la source et qui peut répondre. C'est la première des choses. Pleurnicher ne résoudra pas le problème. Enfin, si vous pleurnichez, quand vous allez finir, vous-même, vous allez prendre encore le mouchoir et suivre votre œil. Quand vous avez les maux de tête, vous allez acheter le paracétamol. Quand vous allez vous reposer, vous allez vous comprendre et résoudre de comprendre que vous devez poser la question à Dieu. Donc, en premier lieu, le problème des aveugles de naissance, c'est un problème qui enfante tous les autres problèmes que vous pouvez avoir qui perdurent. Parce que ce cas, c'est le cas des aveugles de naissance. Vous pouvez avoir des personnes qui ont seulement des fausses couches à répétition. Ou bien des personnes qui ont des couches de nuit à répétition. D'autres personnes qui, donc, quand elles dort, tu entends seulement, ils bavardent. Vous écoutez les personnes, bouge les dents comme ça. D'autres marchent les dents, font les dents, croc. Tu le réveilles, tu dis que, qu'est-ce que tu marches les dents? Tu dis que, qui a fait ça? Ça ne va pas là. Il dort tranquillement, il était à Jérusalem. Alors qu'il a démangé le cola, Il y a d'autres personnes même qui se lèvent la nuit. J'avais un ami comme ça quand on était à l'université. Il se lève la nuit, avec le caleçon, il commence à courir. Il court et il était à l'étage. Il pouvait courir comme ça, il saute. Heureusement que quelqu'un l'avait rattrapé. Le matin, on lui dit, mais pourquoi tu courais? Il dit qui? Il ne connaît pas. Il suffit seulement de mettre la caméra. La chose se passe. Quand la personne se réveille, plus tard, la personne voit. L'autre encore avec qui j'habitais à l'université aussi, pour lui, il se lève la nuit. Comme je lisais toujours la nuit, je suis avec ma Bible en train de lire. Il se lève. Ouais, il se lève. Il vous regarde bien. Il regarde comme ça. Il se baisse comme ça. Vous regardez. Tu crois qu'il est en train de te voir? Après, il se lève, il prend la torche, il guette sur la lumière. Dans la nuit, je suis là avec la Bible en train de l'observer. Il dit que toutes ces choses-là, c'est pour qu'il vienne prêcher plus tard. À cause de ça, pour qu'il vienne prêcher. Alors, il regarde l'ampoule, il regarde. Il prend le truc de quai de cheval là, comme ça, il essuie la saleté. Nous sommes à 3 heures. Il sort du sommeil. Il fait. Il arrange la taille, il arrange le cahier, il arrange. Il dépose la torche, il se couche, il dort. Je regarde, j'observe, je lis. Le matin, il dit que la saleté qui est là-bas, qui a nettoyé. Lui, il était étonné. Il dit, il sait. Qui a mis telle chose? Il ne connaît pas. D'autres encore, son frère sort, il prend la torche. En plein sommeil. Il y a la lumière, il commence à pointer, il peut se devenir. Tu fais quoi ici? Tu es un bandit ou quoi? Il fait la torche comme ça, là. Il va sur l'impôt, il force. Après, il dépose la torche, il dort. Le matin, tu lui dis, il ne comprend pas. Ce sont des anomalies spirituelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, comme ça, vous êtes comme ça, vous pouvez dormir. On prend votre être, on part, vous allez au Qatar, construire les rails là-bas. Pour vous revenir dans votre corps. Donc, des gens ont des problèmes. Maintenant, quelle est la cause? Il faut demander à celui qui révèle les choses cachées. Donc, notez dans Deutéronome 29, 29. Deutéronome, le chapitre 29, verset 29. Maintenant, le premier point, si j'ai dit, le point c'est que lorsque quelque chose est perdu, il faut y revenir. Non seulement y revenir, vous devez comprendre que si quelque chose se passe à répétition dans votre vie, vous avez une barrière. Si quelque chose se passe, ça se passe, ça se passe. Déjà même que dans votre famille, si vous observez qu'il y a quelque chose qui se passe de façon répétitive, vous constatez une anomalie qui se passe de façon répétitive à tout le monde. Arrêtez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de personnes, donc, après avoir constaté que quelque chose ne va pas, cherchent l'appui de l'homme. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est parce que l'homme ne vous aidera pas. Si un problème est installé par Dieu, aucun homme ne vous aidera. Aucun homme ne vous aidera. Il faut aller vers Dieu. Dieu, quand Dieu révèle la cause, s'il révèle que c'est la cause, si c'est un ennemi, s'il dit que c'est un ennemi qui l'a fait, il donne la solution pour que ça soit débusqué. Si vous restez neutre, Dieu reste neutre, les choses vont suivre le cours normalement. Les gens vont commencer à continuer. Si c'est pour la mort, les gens vont mourir prématurément. Il y a des jeunes filles que vous allez voir que, même si elles sont belles n'importe comment dans la famille, personne ne se marie. Quand tu te maries, vous divorcez. Alors vous allez voir une famille avec des Dalton et des Daltoniens. Chaque personne, une fille a quatre enfants avec sept pères différents. Les pères se discutent les enfants. Vous voyez, les pères, un autre enfant a des yeux guinguerou, l'autre pied est noir, ainsi de suite, parce qu'il y a le mélange même des enfants. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Poser la question à qui de droit? La personne, c'est Christ, Jésus. Il faut aller vers lui. Il a invité à passer Deutéronome 29, 29. Il dit que les choses cachées sont pour lui. Les choses révélées sont pour qui? Pour qui, frère? Il a dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées, c'est pour qui? Les choses révélées, c'est pour qui? Nous qui? Les enfants. Donc, si vous avez besoin de révélation, allez vers lui. Dans Jérémie 33, 3, il dit quoi? Il dit que, invoque-moi et je répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu... Que, Seigneur, je ne connais pas ce qui m'arrive. Voilà pourquoi vous voyez effectivement que les gens se glissent dans la religion. Je vais aller chez lui, je vais donner 10 000, 20 000. Il va me dire c'est pourquoi je passe. Vous êtes un enfant, un ancien ami, adepte des marabouts. Ne faites pas cela. Quand c'est le Seigneur qui vous parle, ça change la donnée. Jésus a dit... Ici, maintenant, si ces cas, si on rencontrait ces cas, si on posait la question aux pharisiens, un pharisien pouvait répondre à la question. On va lui dire que d'abord, même depuis, on ne va même pas son père à la synagogue. Dieu l'a maudit. Car il est écrit dans Deutéronome 28, maudit soit quiconque n'observe point les paroles de cette loi. Ça n'a pas de malédiction à arriver. Ils vont sortir tout genre de choses. On avait entendu un jour même, il n'a même pas soutenu un lévite. Ils vont dire que c'est à cause de cela. Que c'est à cause de ça que l'enfant est né aveugle. Mais Dieu lui donne la cause. Il dit que, un, ce n'est pas la chose ci, ni la chose ci. Ça suppose que les êtres humains s'étaient trompés sur le diagnostic de ce cas. Vous voyez, les disciples n'ont pas posé la question que, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? C'est lui-même. Donc, il savait que la cause est humaine. Or, il n'y avait aucune cause humaine dans cette chose. Donc, vous pouvez ne rien faire, mais Dieu vous traite parce qu'il vous aime. Maintenant, il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc Dieu avait dit, ses parents-ci, ils vont faire sortir un enfant, ils vont fermer ses yeux. Et quand ils vont venir, je vais les guérir. J'ouvre les yeux pour que quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire sur la terre. Pour qu'ils comprennent que je suis Dieu. C'est sa façon d'agir. Vous avez moi? Ok. Souvenez-vous, quelqu'un peut mourir pauvre et aller au ciel. Vous savez ça, n'est-ce pas? N'allez pas croire ces gens-là qui disent que si vous mourrez pauvre, c'est que vous n'entrerez pas au ciel, comme les prédicateurs. Les pacotilles là qui parlent là. On y va. Le cas de 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2 que vous connaissez, Peninnah et sa co-épouse Anne. Est ce cas similaire? Un cas de quelque chose qui arrive et que la personne veut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mon mari n'est pas stérile. Voici la co-épouse qui accouche. Moi j'ai fait quoi à Dieu? j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi mes choses? J'ai la tête du Makiro, j'ai la face du Mbunga. Toutes ces questions n'ont pas de sens. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut l'invoquer. Mais il ne faut pas l'invoquer comme si lui donnait de l'ordre. Il ne faut pas l'invoquer comme si il est votre enfant. Il ne faut pas l'invoquer comme si il est obligé de vous répondre. Le cœur doit s'approcher devant lui avec humilité. Le cœur doit s'approcher avec lui, devant lui avec humilité. Pas avec arrogance. Juste que quelqu'un moins pointe les gloires. Que si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, tu vas voir ce qu'il va faire. La Bible déclare que si tu pêches sur la terre, qu'est-ce que ça fait de lui? Ça fait changer le ciel. Tu te fais nuit à toi-même et à ton semblable. Si tu ne fais pas, je vais boire la bière jusqu'à saouler. Quand tu saoules, si tu tombes dans le WC là-bas, qui va casser ses pieds, Dieu? Même si tu avais le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit casse ses pieds. Et si tu conduis en état d'ivresse, tu peux cogner quelqu'un, n'est-ce pas? C'est toi qui vas aller en prison. On va dire qu'il mérite son sort à la prison centrale de Newbel. Quand tu seras là, le Saint-Esprit, lui, ne meurt pas. Tu souffres, c'est pas le Saint-Esprit qui est en prison. Donc faisons attention. Approchons-nous du Seigneur avec humilité, sachant qui est devant nous et qui nous a invités à la prière. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit que qu'on ne s'inquiète de rien, mais qu'en toute chose, qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu par des prières. Par des prières. Par des prières. Donc, toute chose qui persiste, il faut. Alors, maintenant, regardez comment Anne, la femme de cette polygame-là, a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle quittait chaque fois de son village pour aller à Silo, là où Dieu s'est manifesté. Elle allait parce qu'elle comptait sur qui? Sur Dieu. Elle allait parce qu'elle comptait sur Dieu. Elle est venue même là-bas. Elle ne s'est pas occupée d'Élie, le souverain sacrificateur. Parce qu'elle savait qu'ici, un homme ne peut pas. Quand vous savez que votre problème est au-dessus de l'être humain, allez chez Dieu. Allez chez Dieu. Allez chez Dieu. N'allez pas dire que Seigneur, j'ai les maux de tête. Les maux de tête, c'est là. On dit qu'il y a le parastamo. Tu dis, Seigneur, par ta toute puissance que tu as créé les cieux et la terre, guéris ma tête. De prendre toute la puissance qui a créé la tête, le ciel et la terre pour créer tout ceci, pour te guérir la terre. Donc ça veut dire que vous voulez comparer sa puissance au parastamol. Au parastamol. Donc le parastamol est égal à la puissance de Dieu. Il nous faut donc beaucoup de méditations, comme le frère vous a dit ici à l'entrée, pour qu'on puisse confondre, que notre cœur commence à fondre dans le cœur du Seigneur, afin qu'il puisse mettre ses paroles et ses désirs en nous. Lorsque les choses arrivent, vous regardez comme là le cas d'Anne Lonson de parler, lorsqu'elle a prié, le jour où elle a prié, on nous fait le compte rendu, on dit que c'est chaque année, elle partait comme ça rentrer et sa co-épouse continue à motiver son homme comme ça pour la pousser à s'irriter contre l'éternel qui l'avait rendu stérile. D'autres adeptes disent que non, Dieu ne peut pas rendre quelqu'un stérile. C'est que le verset là, on a trafiqué. Trafiqué comme vous voulez, mais on continue en lisant ce qui est écrit là-bas. Alors, si Dieu l'a fait, il avait fait pour un but. N'est-ce pas, frère? Si c'était aujourd'hui, avec ce siècle de vitesse, on va commencer la philosophie. On connaît un grand docteur Richard du côté des États-Unis. Il va faire la conception in vitro. D'abord, frère, j'ignore. L'intelligence qu'ils ont là, c'est pas Dieu qui a permis qu'ils découvrent les sciences, les médecines. Il dit oui, ma soeur, c'est ça. Alors donc, on peut aller aussi là-bas prendre l'enfant. Sauf que Dieu n'a pas donné la distribution de l'enfant aux êtres humains. Sauf que Dieu n'a pas donné la distribution des enfants aux êtres. S'il donne la distribution des enfants aux êtres humains, il va leur donner l'opportunité de les enlever la vie. C'est pour ça que tout médecin qui enlève la vie à un enfant, il va rendre de compte. Parce que si le médecin pouvait donner la vie, il avait aussi autorité d'enlever. Comme il n'a pas autorité devant le Seigneur de le faire, il n'en a pas aussi pour retirer. Alors maintenant, il parle par rapport à notre siècle d'évité parce qu'on est très pressé, on ne peut pas attendre Dieu et on ne peut même pas aller vers Dieu pour persévérer. Je crois qu'il va falloir qu'on vienne encore au niveau de la persévérance et la patience. Ces deux attributs-là, ces deux attributs de la foi et de l'amour. Ah, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. C'est parce que le problème de la vie éternelle ne joue pas trop dans notre vie. Si c'était quelque chose qu'on devait toucher là, c'est que chacun a déjà connu la tête de Dieu. On dit qu'on a espoir, on sera au ciel. Mais maintenant, prenons le cas de l'enfant. Si vous cherchez plutôt l'enfant, est-ce que vous avez l'espérance sur cet enfant-là comme vous avez l'espérance pour le ciel? Parce que quand vous avez l'espérance pour le ciel, vous restez tranquille, vous travaillez autre chose. En attendant, ce n'est pas vrai. Et bien, dans ce cas, exercez la même chose pour quelque chose que vous avez et vous attendez. Je ne sais pas si vous saisissez. Vous attendez n'importe quoi. Persévérez-y. N'importe quoi. N'importe quoi. quel qu'en soit le cas, elle nous montre clairement qu'il montait chaque jour, chaque année à Silo. Il rentre, la chose n'est pas là. Mais un jour, Dieu l'a rencontré là-bas. Notez Actes chapitre 10, verset 1 à 7. Un jour, Dieu l'a rencontré là-bas. Donc, c'est notre manque de persévérance qui fait attention qu'on va de lieu en lieu. On change de pensée avec Dieu. Un temps, on insulte même Dieu. On rentre, mais on ne lit plus la Bible. Et un jour, encore, on revient encore dire que Dieu pardonne-moi pour ce que j'avais fait, c'était la folie. Pour revenir encore, continuer la même chose. Ça ne doit pas continuer ainsi. Il va falloir que vous allez chez vous un jour. Vous asseyez sur votre table. Vous mettez un miroir face à face devant vous. Vous déposez votre Bible. Entre le miroir et vous sur la table, vous déposez votre stylo là-dessus. Vous vous regardez dans le miroir bien même. Vous regardez la Bible là. Et puis vous regardez réellement. Ça, entre vous, le miroir, vous vous voyez vous-même tel que vous êtes. Vous regardez dans les yeux là-bas en pointant le doigt. Celui qui est là, toi-même, est-ce que tu es sérieux par rapport à ce qui est écrit ici-dedans? Est-ce que vraiment vrai, tu veux vraiment vivre ce qui est écrit ici-dedans? Ou bien tu y crois? Si tu n'y crois pas, déposez ça. Déposez. Ça ne sert à rien de porter ça comme ça. Et puis ne pas croire à ce qui est écrit là-bas. Vous ne croyez pas. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas quoi? Dans les ténèbres. Mais il quoi, frère? Aura la lumière de la vie. Des paroles bouleversantes de la Bible. Pas la parole qui dit que viens et je te guéris. Ça, c'est plus que la guérison. Ce qu'il vient de dire là. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Suivre, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous devez y passer le temps. C'est quoi suivre Jésus? Et puis vous répondez à la question, vraiment à l'heure où je viens de parler avec cette Bible, c'est devant moi. Oui ou non, est-ce que je suis Jésus? Si c'est non, ça veut dire que tu étais religieux depuis. Si c'est oui, il faut avancer. Il dit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Frère, c'est quoi les ténèbres? Vous devez comprendre ce que le Seigneur te dit. Voilà les pistes de méditation. Et Christ dit, dans la marche, dans le processus de marcher avec lui, il met un pas, tu mets un pas. Regardez très attentivement ce que le Seigneur dit depuis. Ça veut dire que pour que vous suivez Jésus, vous allez apprendre à aller à son rythme. On ne peut pas suivre Jésus, vous dites que Seigneur, comme je parle, précède-moi. Donc tu lui donnes l'ordre. Il sort, il marche devant toi, tu viens. La prière devrait être, Seigneur, que veux-tu que, quelle est ta direction aujourd'hui? Donc nous devons chercher la volonté de Dieu et nous y soumettre. Pas lui donner de faire notre volonté. Dans nos prières, nous le faisons sans nous en rendre compte. Vous voyez, quelqu'un est sorti le matin comme ça. C'est qu'il ferme les yeux. Il donne l'autre au Seigneur Jésus. Que Seigneur, précède-moi sur la route que je vais prendre. Donc j'ai choisi de prendre cette route. Tu as intérêt à marcher devant moi. Ah! N'est-ce pas mes soeurs et frères? Que Seigneur, comme je vais au village là, précède-moi, débrousse la route, tape les sorciers. Ferme les bouches, il n'y a pas que calebasse est là-bas. Racle ça avant qu'il vienne traverser. Mais la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Le bâton et sa houlette. Le commandement, si Dieu vous a donné autorité, vous pouvez marcher. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut l'autorité. Il faut qu'on soit investi de l'autorité du Seigneur Jésus. Et vous ne pouvez pas être investi de son autorité sans être appelé de lui et connu de lui. Ça ne marchera pas. Donc, écoutez-moi très attentivement. Pour que vous alliez au niveau 1, là où nous avons dit qu'il faut n'importe quelle situation difficile, qui est perdue et qui se répète, il faut consulter Dieu. Pour que vous allez consulter Dieu, il faut que vous vous déposez la Bible, comme j'ai dit, devant le miroir et vérifiez que vous lui êtes soumis. C'est sa volonté. Est-ce qu'on suit Jésus ou Jésus nous suit? Est-ce que c'est lui qui nous suit ou c'est nous qui le suivons? Vous devez arriver dans la compréhension de ce que la Bible appelle par suivre Jésus. Pas seulement chanter que j'ai décidé de suivre Jésus. C'est pas suivre en marchant avec le pied, comme ça. Suivre Jésus parle directement de marcher dans ses principes à son rythme et avec patience et persévérance. Suivre Jésus implique automatiquement cela. Ça veut dire que c'est sa volonté. Quand vous dites, je suis en train de suivre Jésus. Ok, maintenant, si vous suivez Jésus, quand on dit, oh, je suis quelqu'un, ça se pense qu'il est devant, je suis derrière, je vais à sa suite. Maintenant, vous voulez aller au nord, lui, il est allé au sud. Vous dites, Seigneur, on se retrouve là-bas parce qu'à l'éternel, tu remplis toute la terre. Donc, même s'il ne veut pas comme ça, tu es là. Ce n'est pas comme ça. Oh. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans ce livre de Jean, chapitre 12, le verset 26. Dans le verset 26, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Waouh! Merci Père. Allons-y là-bas. Regardez. Regardez ça. Wow, wow, wow. Jean chapitre 12. Verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que le Saint-Esprit fait là. Vous avez ouvert? Waouh. Regardez. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc il va l'emmener là où il se trouve. Là où il veut que son serviteur le serve, il vient là-bas. Il lui dit que ici. Quand il veut aller à Douala, il dit ici à Douala. Quand il va aller à Loum, il dit ici. C'est lui qui prend la décision. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il n'a pas dit que là où mon serviteur sera, là où je suis. Non. C'est son serviteur qui le suit et non le contraire. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit par la suite. Puis il donne cette parole. Ça, je vais travailler là-dessus avec les conducteurs. Je ne sais pas où dans ce coin de ce monde. C'est parce qu'il y a des choses là qu'on va devoir travailler. Dans ce seul verset-ci, on aura au moins des prédications, même cette prédication. Avec ce seul verset-ci. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un me sert, il dit qu'il me suit. Suivre le Seigneur revient à dire quoi concrètement? Marcher sur ses traces. Regardez, ouvrez 1 Pierre chapitre 4. Ne fermez pas cette page. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Vous y êtes, 1 Pierre chapitre 4. Ne fermez pas le seul livre des gens. Verset 1 et suivant, qu'est-ce que ça dit, frère? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oui. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Stop. Vous avez entendu ça, hein? Donc si vous avez souffert comme Christ a souffert, le reste de votre vie ne dépend plus de votre propre volonté. Relis encore, frère. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Stop. Donc, dans votre esprit, ça va à l'état d'esprit que vous devez être. Oui. Car celui qui a souffert dans la chair, oui, en a fini avec le péché. Stop. Souvenez-vous des gens, chapitre 9, nous avons fait. Est-ce que le problème du péché, c'est si... Parce que dans ces gens, chapitre 9, on parle d'une chose qui aurait conduit à quelque chose. Donc, la cause et la conséquence. Le péché et ses conséquences. Le péché et ses conséquences. Donc, d'après Jean chapitre 9, nous voyons que les gens se sont dit, ils ont vu quelque chose. Il y a l'aveugle de naissance. Ils ont regardé que la cause, c'est le péché. C'est une conséquence. La cause, c'est le péché. Ici, le Saint-Esprit dit que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Parce que le péché est la gangrène qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est la gangrène. C'est le boulevard noir. Cet abîme noir qui nous sépare de Dieu. Et c'est ce problème que le Seigneur est venu résoudre. Dans Jean chapitre 9, il dit, dans Jean chapitre 8, il dit quoi? Il dit, si vous ne croyez pas, parce que vous mourrez dans vos péchés. Vous connaissez la vérité, ça va vous affranchir. Il dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, tu es là, tu cries, tu cherches la délivrance. Christ dit que c'est lui qui a franchi le péché. Et à moins que vous ne croyez pas que c'est lui qui le fait, vous ne pouvez pas être libre. Donc, la seule et unique solution pour se libérer du péché, c'est quoi en lui? Vous suivez, frère? Amen. Et ici, donc, il dit que celui qui a souffert dans la chair en a terminé avec le péché. Allons-y, frère. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Stoppons là-bas. Donc, en clair, d'après les Saintes Écritures, nous venons de lire dans Luc des Jean, chapitre 12, verset 26, il dit si quelqu'un me sert. Quand tu sers Christ, ça suppose que tu es quoi? Serviteur. Il dit pour que tu serves Christ, d'après 1 Pierre 6, il dit que Christ a souffert, il l'a laissé comme ça un exemple. De telle enseigne que le temps qui nous reste ici sur la terre, nous ne vivons plus selon la convoitise de la chair. Donc la volonté de la chair, c'est terminé. Mais selon la volonté de Dieu. Si c'est selon la volonté de Dieu, ça suppose que toi et moi, nous, franchement, nous devons donner, déposer la Bible et puis regarder la vérité en face. Oui ou non? À l'instant où j'ai cette Bible devant moi, suis-je dans la position de la volonté de Dieu? La question doit être répondue. Souvenez-vous et n'allez pas me comprendre ce que ça veut dire. Je ne dis pas que la volonté de Dieu consiste à prendre la parole et prêcher. Que non. Parce que la grande commission n'est pas pour tout le monde. Vous me suivez? Tout le monde n'est pas appelé à la prédication. C'est ce que la Bible déclare. Donc, la seule façon de servir Dieu n'est pas de prendre la Bible en train de prêcher comme ça. N'est pas d'être quelqu'un en train de dire que Jésus est Seigneur. Repends-toi. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est trouver la place que Dieu avait prévue pour toi. C'est ce que tu devais faire. C'est ça dont c'est les questions. Souvenez-vous de ceci. Connaissez-vous Joseph d'Arimathée qui était disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais en secret? Il était disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais en secret. Disciple du Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il marchait avec les disciples pour aller prêcher, que non. Il croyait au Seigneur Jésus-Christ, il faisait la volonté de Dieu. Il avait même préparé le tombeau de Jésus-Christ que le Seigneur fait avec ce marché que vous marchez là-bas. Il y a ton endroit que tu avais dit qu'il fallait faire là-bas. Jusqu'à ce qu'il a préparé le tombeau de Jésus. Le moment est arrivé. Comme c'est un homme riche, il avait l'opportunité d'entrer chez Pilate. Il a dit donne-moi son corps, il a donné son corps. Pour qu'il puisse déposer dans l'endroit, on a dit qu'on a mis son tombeau parmi les hommes riches. C'est parce que c'est ça. Joseph d'Arimathée, disciple du Seigneur Jésus-Christ en secret. Ça ne veut pas dire qu'il est Joseph d'Arimathée a dit que comme je suis Joseph d'Arimathée, je vous prêche. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Vous suivez les traces du Seigneur Jésus-Christ, restez à la position que vous avez. Vous êtes son disciple. Et je recommence encore. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on prenne la Bible, on prêche. Il y a deux catégories de serviteurs dans le corps. Et d'autres catégories de serviteurs à l'extérieur du corps. Amen. À l'extérieur du corps de Christ, il y a des serviteurs de Dieu. Amen. À l'extérieur du serviteur du corps se trouvent des gens qui ont les attributs de Dieu. Prenez Romains chapitre 13. Souvenez-vous, on n'en a pas fini avec Jean chapitre 12. Romains chapitre 13. Romains, le chapitre 13. Écoutez, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Écoutez très attentivement. Il n'est pas dit dans cette phrase que ces autorités ont été instituées par Dieu. Mais il est fait référence que ces autorités ont été instituées de Dieu. C'est la source du reflet du gouvernement. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je veux que vous remarquiez aujourd'hui. Il n'est pas dit institué par Dieu. Si c'est institué par Dieu, ça veut dire que l'homme, c'est que Dieu, ce président-ci, ce chef d'État, ce chef de quartier qui est sorcier, c'est Dieu qui l'a mis là-bas pour qu'il soit sorcier. Que non. Le principe de son autorité vient de Dieu. La personne et l'archétype qui le gouverne n'est pas de Dieu. Comme on avait vu ici, que, quand il parlait que quand vous prenez une position de l'autorité, automatiquement, il y a le réplique de cela sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Quelle que soit la gouvernance que vous avez sur la terre, dès que vous incarnez une autorité, vous avez un esprit correspondant. Le principe de l'autorité est issu de Dieu. Vous y êtes? Voilà. La manifestation maintenant peut venir de lui. Par exemple, comme il dit par exemple à Élisée, va ou un de Azaël pour roi. Là, cette roi émane de lui. Voilà. Maintenant, regardez, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous avez vu, n'est-ce pas? À l'ordre que Dieu a établi. C'est-à-dire que c'est un système de gouvernement que Dieu a émané de lui pour donner aux êtres de pouvoir. Sinon, on serait dans un... Remarquez très attentivement dans la brousse. Pendant que la panthère est en train de guetter un animal comme ça, là, il y a le bois qui est en train de le guetter aussi, lui aussi, comme ça. Donc, c'est la jeune. Si ce n'était pas comme ça, si ce n'était pas régularisé comme ça, on serait fini. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats. Vous avez vu ça, hein? Les sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Écoutez, le magistrat est serviteur du diable sur la terre. Comment, frère? Voilà un serviteur de Dieu. Mais il n'est pas dans l'église. On ne parle pas de l'église ici. On parle des institutions mondaines. Donc il y a des serviteurs de Dieu à l'extérieur. Donc quand vous voyez un pasteur et un magistrat qui sont en train de causer, ce sont des collègues. Ce sont des collègues. L'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Le magistrat. Donc quand vous voyez un magistrat qui soit corrompu, n'importe quoi, laissez l'autre, hein, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, verset 3, verset 4 encore, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Écoutez bien. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous y êtes? Donc, il y a la branche de serviteur de Dieu que si on te gifle sur la joue droite, tu présentes l'autre joue. L'autre serviteur de Dieu qui est à l'extérieur, qui ne comprend pas ces principes-là. Tu t'amuses, tu te mets à Newbell. Fin de citation. C'est le serviteur de Dieu. D'accord, frère? On va y revenir encore un de ces jours lorsqu'on va toucher le gouvernement de la femme. Alors, le péché a causé beaucoup de conséquences. Le péché, je n'ai pas dit les péchés. Souvenez-vous de ceci, je n'ai pas dit les péchés. Ici, l'enfant a certainement péché, pensaient les disciples. Ou bien les parents ont péché, ou pensaient les disciples. Mais Jésus a dit que ici, ce cas-ci n'a pas de cause, ne tire pas sa source du péché. Dans 1 Jean chapitre 5, vous avez noté verset 1, la Bible déclare que ce que vous avez reçu dans le commencement, c'est que Dieu est amour. Et il n'y a point en lui de mensonge. Il dit que celui qui dit qu'il est en lui et qui marche encore dans les ténèbres, la vérité n'est point en lui. Mais il dit, mais si nous marchons en communion avec lui, quoi? Il dit, le sang de Jésus, que son fils nous purifie de toute iniquité. Donc le problème, c'est l'iniquité. Tout ce qui peut perdurer au de là-bas, c'est causé dès le départ à cause du péché. Mais maintenant, les conséquences sont multiples. Les conséquences ont beaucoup de ramifications, comme vous pouvez citer. Pour d'autres personnes, ce sera que ma vie ne marche pas. Quand je vais prendre n'importe quel travail, à la fin du compte, s'il y a deux personnes, c'est moi qu'on arrive. Ainsi de suite. Vous pouvez avoir votre histoire à raconter. Mais la cause, c'est le péché. La solution, le remède, c'est Christ Jésus. La vérité maintenant, comme je t'en ai dit depuis ce soir-ci, c'est qu'il faut qu'on regarde la vérité en face. Vous mettez un miroir devant de vous. Vous regardez votre Bible, vous déposez votre Bible entre la table et vous. Vous regardez vous-même dans le miroir. Vous vous posez la question. Est-ce que je suis Jésus? Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 12, que le Saint-Esprit a donné là. Regardez, le verset 26, il dit que si quelqu'un me sert, il donne l'ordre à cette personne de faire quoi? Qu'il me suive. Qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il n'a pas dit que je vais le suivre. Il dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et puis il donne cette fameuse phrase que le prophète Daniel avait dit. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père quoi? L'honorera. La récompense pour les serviteurs de Dieu. Maintenant, vous pouvez définir honorer comme vous voulez. Vous pouvez récompenser. Posez-vous la question, comment? Je vais revenir. Je vous pose la question, quelle est la récompense que Dieu va donner pour tous à l'issue de la fin des temps? Quelles sont les récompenses qu'il donne? Réfléchissez-y parce que ça a une conséquence. Dans Genèse chapitre 32, nous voyons encore un événement similaire. Un monsieur qu'on appelle Jacob, qui est né. Regardez, tel qu'on a donné le nom de Joseph, de Job, persécuté. Donc, un de ces jours, il devait faire face à la persécution, donc comme son nom le disait. Jacob, lui, c'était supplanteur. De la naissance, il a commencé à voler depuis le ventre. Il sort, bonne petite chose, il vole. Un de ces jours, il a vu que cette chose-là le poursuivait partout. Il fallait qu'il en découvre, parce que ça créait des problèmes dans sa vie. C'est ce qu'il a fait, frère. Il a essayé de négocier de toute la façon de lâcher qu'il pouvait faire. Il avait les biens matériels, il avait des brebis, il avait des enfants, mais ça ne pouvait pas résoudre son problème. Il fallait que cet état s'y quitte. La Bible déclare qu'il est resté toute la nuit, il a envoyé ses enfants, ses femmes et tous les brebis devant. Il a passé toute la nuit, il a lutté contre qui, frère? Il a lutté contre Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ait, cette nuit-là, changé l'état des choses qui le dérangeaient. Il dit, ton nom a un problème. C'est ton nom qui te cause des problèmes. Dieu est allé à la racine de son problème pour résoudre le problème. Tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. Depuis ce jour-là, Jacob n'a plus jamais volé. Il n'a plus jamais eu de problème. Il est allé de gloire en gloire. Bien plus, il n'a plus jamais eu de problème de ce genre-là. Parce que Dieu a donné, en changeant toutes les paroles de malédiction, désormais qui sera dit sur lui en bénédiction. Je maudirai quiconque te maudira. Et je bénirai quiconque te bénirait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici la chose. Il est allé devant Dieu faire la confrontation. Souvenez-vous de ceci. Jacob a laissé passer ses brebis, ses troupeaux, laisser sa femme, ses enfants pour être seul à seul avec Dieu. Donc rien ne lui coûtait plus cher que cet état-là. Il fallait qu'il confronte avec le Seigneur. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Non, il faut que je parte travailler. Là, il fallait qu'il résolve le problème. Si ses enfants partaient là-bas, on le tuait. Si ses brebis partaient, on arrêtait. Ça lui était égal. Il fallait que ce problème-ci soit résolu. Il doit rester face à face avec le Créateur pour que cet état-ci se résolve. Il savait que ce n'est que lui qui pouvait résoudre ces problèmes-là. Et il a passé toute la nuit là-bas. Si ça avait été une semaine, il aurait passé une semaine là-bas pour que ça se résolve. Pas vrai, frère? Alors, ça veut dire que toute situation difficile, toute situation qui se répète, qui est répétitive, il faut qu'on reste devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il dise quelque chose concernant cela. Vous y êtes, frère? Sa maman, quand elle était enceinte d'eux, quand ça a commencé, les douleurs de l'enfantement ont commencé dans le ventre. Sa maman allait prier pour savoir quelle était la cause. Parce que s'il demandait à Isaac, tu as mis quoi dans mon ventre? Tu es sûr que tu n'as pas le goût? Elle allait prier. Dieu lui a révélé que des nations sont dans ton ventre. N'est-ce pas, frère? Ça, c'est la femme. Ce n'est pas Isaac qui a eu la révélation. C'est sa femme qui a eu la révélation, Rebecca. Elle a prié parce que le ventre bouge. Bou, bou, bou, bou. Jacob guette son frère, donc il fait pas que c'est pas ce que tu fais là. En temps, on va voir ça sur la terre. Dans le ventre. Son ventre bouge, comme ça. Rebecca, c'est quoi? Il dit, bon, je ne comprends pas. La bagarre dans le ventre. Dans le ventre. Jacob, vous ne connaissez pas bien. Jacob. Un des seigneurs de Dieu voulant vous parler de l'esprit de Jacob. Jusqu'à ce que le prophète lui-même entre en scène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait comme ça. Cette femme, elle ne comprenait pas. Elle allait prier Dieu que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfant qui est demandé ou c'est la guerre? Il dit, deux nations sont dans ton ventre. C'est la bagarre comme ça là. Vous voyez, une fois de plus, elle a un problème. Elle s'est confiée au Seigneur. Elle n'est pas allée vers son mari, elle allait vers le Seigneur. Le Seigneur a révélé quelle était la cause. Depuis que le Seigneur a révélé quelle était la cause, elle se dit qu'elle vivra, qu'il vivra bien. Et à la naissance, il a vu ce qu'il en est. N'est-ce pas, frère? Alors, chaque chose qui nous cause des problèmes, que ça dure, que ça perdure, vous n'avez qu'une seule source pour pouvoir vous racheter de cela. En fait, il y a une autre source qui est subsidiaire. Si vous ne voulez pas, buvez le harata. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, mieux, ça ne vaut pas la peine de vivre. Si ça ne vaut pas la peine de vivre, ne pense pas comme ça. Bois, tu quittes. Vous comprenez cela? Donc la seule possibilité alors, c'est d'aller vers le Seigneur. Aller vers lui qui ouvre et personne ne ferme. Aller vers lui. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de traverser? Quelle est la cause de ces choses-ci? Montre-moi la cause de ces choses-ci dans ma famille. Ma famille ne va pas bien. J'ai observé tes choses dans la famille. Où est la source? Quelle est la cause? Dieu va vous montrer peut-être pour votre famille que ton arrière-grand-père avait sacrifié un jeune enfant. C'est son sang qui allait crier. La malédiction sur la famille. Hey, si c'est quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne veut pas dire qu'on porte un habit neuf. Il y a des gens qui portent la veste, mais quand ils rentrent le soir dans le miroir, ils disent que au moins avec ça, il couvre la pauvreté. C'est lui-même, c'est lui seul qui sait ce qui vit dans son corps. Si vous êtes dans cet état-là, bien que vous couvrez la prière comme ça, la peau, vous avez la réalité. Il faut rentrer vers le Seigneur. Jésus dit dans Jean chapitre 12, chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura dont la lumière demeurera avec lui. Et si le Seigneur marche au-devant de toi, forcément, il dissipe les ténèbres. Celui qui éclaire tes ténèbres, il éclaire tes ténèbres. Mais maintenant, si vous voulez marcher en cacheterie avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir de quoi il est question. C'est pas ça que vous me suivez. Vous me suivez, frère. Vous m'avez bien suivi. Qu'est-ce qu'il veut dire ce soir? Quel que soit le problème dont vous faites face, vous avez deux alternatives. Si vous êtes impatient, si ça vient de Dieu, vous allez faire n'importe quel impatient, chercher n'importe quel remède. Un de ces jours, vous allez vous résoudre à aller chercher Dieu. Vous allez aller n'importe où. Les hommes vont vous décevoir jusqu'à ce que vous vous tournez vers Dieu. Vous me suivez? Donc dès maintenant, au lieu d'aller des déceptions, le temps là, restez devant le Seigneur jusqu'à ce que ça soit résolu. Alors, tous ces petits problèmes que vous traversez, toutes ces choses qui viennent à répétition, ça doit vous apprendre à chercher la face du Seigneur. Chercher la face du Seigneur. Seigneur, quelle est la cause de cette affaire? Quelle est la cause de cette... Il y a des gens dans la famille, même si vous dites n'importe quoi, ça ne les dit absolument rien parce qu'ils sont aveuglés. Mais quand vous avez déjà la clarté dans la lumière, en observant que dans la famille, telle chose ne va pas, rentrez dans la prière. Demandez, Seigneur, quelle est la cause de ces choses-ci? Jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Chaque personne de la Bible qui sont prosternées devant le Seigneur, nous avons vu le cas de Jacob maintenant. Il est sorti avec la victoire. Nous avons vu le cas de Anne. Il est sorti avec la victoire. D'accord, frère? Nous avons vu le cas des gens, chapitre 9. Dieu est venu, quand il a révélé la cause, ils sont sortis avec la victoire. Au point où cet homme-là, vous savez ce qui est arrivé par la suite? Même le parent avait peur même de confesser devant les gens que c'est notre fils. C'est Jésus qui l'a guéri. Il savait qu'il se dit c'est Jésus qui l'a guéri. On dit hors de la synagogue. N'est-ce pas, frère? On l'a appelé, il a dit que si vous, que votre loi soit n'importe quoi, qu'il soit sorcier ou pas, je sais que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Point final. Alors voilà les œuvres de Dieu qui sont manifestées en lui. Quand vous avez des problèmes, je recommence encore. Quand vous avez n'importe quelle situation qui perdure, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, après cette analyse, rentrez devant le Seigneur. N'essayez jamais de dire, oui, je suis rentré devant le Seigneur, j'ai prié, mais il ne m'a pas encore répondu. Ça montre clairement que vous ne croyez pas. Quand Pénine a mortifié le corps de l'âme de celui de celle-là de Anne, quand elle partait rentrer, vous avez vu Anne se plaindre quelque part. Anne, un de ces jours, quand elle est arrivée là-bas, elle s'est tenue là-bas, elle a bavardé devant le Seigneur, déversé, déchargé son âme devant le Seigneur. Jusqu'à ce que tout le monde est parti, Elie est venu vers elle, dit, ma femme, t'as déjà saoulé ou quoi? Tu es passé par solution bas? Non, je suis pas allé à solution bas. Je suis en train de régler mon compte avec le Seigneur. Quand elle a entendu que tu avais le Seigneur, il a dit, ok, va que le Seigneur te soit favorable. L'homme de Dieu n'a pas dit que non, viens et prie pour toi. Parce que si tu parles avec Dieu, reste avec Dieu. L'homme ne peut pas intervenir. Parce que c'est cet homme-ci lui-même qui avait dit dans le chapitre 2, verset 25, il dit que si quelqu'un faute contre Dieu, qui peut être intercédé entre lui. Parce qu'avec un homme, si vous avez un problème, quelqu'un peut venir intervenir. Si tu as un problème avec Dieu, personne ne peut mettre le doigt pour te défendre. Donc ça vaut la peine que vous allez régler votre problème avec le Seigneur. Donc mes frères, soyez sérieux. Prenez votre Bible. Déposez, vérifiez vraiment si vous suivez le Seigneur. Bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.